Salut à tous et bienvenue pour la cinquième de En Piste les Artistes. Quel bonheur de vous retrouver tous les vendredis pour En Piste les Artistes. Et aujourd'hui, je vous emmène au cabaret. Nous allons aller rencontrer Johan Lafage qui va nous parler d'un lieu très atypique qui s'appelle le Kalinka. Bonjour et merci d'avoir accepté l'interview. Nous sommes aujourd'hui au Kalinka. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu atypique, si j'ose dire? Le Kalinka a été créé en 2002. Ça fait maintenant 14 ans que nous y sommes. C'est un lieu qui a été créé par des artistes. Avant d'ouvrir le cabaret, nous étions une troupe qui parcourait un peu la France avec nos spectacles. Puis on a eu l'occasion de s'acheter un lieu à nous et de pouvoir en faire des spectacles. Parce que ce qui nous dérangeait la plupart du temps dans nos engagements ailleurs, dans d'autres lieux, il y avait toujours un cahier des charges ou des choses à ne pas faire ou quoi que ce soit. Et là, on a une totale liberté. Au jour d'aujourd'hui, c'est super. Ça, on peut un petit peu braver les interdits, si j'ose carrément, dire. Carrément, oui. Étant donné qu'on est acteur et responsable, donc on prend la mesure de notre responsabilité. Quel type de programmation vous faites au Kalinka? Alors, c'est très large. On a depuis 2 ans, on a une spécialité dans le burlesque. Que ce soit le burlesque les feuillages des filles féminins ou les feuillages garçons, mais également les feuillages étranges avec nos soirées gorlesques. Donc ça, c'est les soirées qui sortent un petit peu du lot. Après, on va avoir aussi les soirées d'une demoiselle qui sont des spectacles plutôt érotiques, coquins, explicites. On a la particularité de ne jamais être vulgaire, mais de faire les choses à fond. Après, on fait aussi bien des spectacles pour les enfants, et ça, c'est vraiment le jeudi. Après, le vendredi et samedi, c'est les soirées cabaret. Notre particularité, c'est que vous ne trouverez pas chez nous des plumes, strass et paillettes ou ressemblances de stars. Pour nous, un cabaret, c'est un lieu où on peut se restaurer et voir un spectacle. Donc ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un spectacle de contemporain, comme un spectacle de stripteaseur ou de burlesque. Enfin, c'est finalement très très varié. Non, c'est très large. On n'a pas d'étiquette et on est fermé à aucune discipline. Enfin, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'équipe permanente des lieux? Oui. Alors, l'équipe permanente, en fait, chaque artiste, donc les artistes gèrent aussi bien, bon, le spectacle, ça va de soi, mais également tout ce qui est service, la restauration. Voilà, au moment d'envoyer les repas, une partie de l'équipe part travailler en cuisine et l'autre est au service dans la salle. La particularité du Kalinka, c'est que tout le monde fait de tout. Vous avez Marion qui est notre chanteuse. À la base, c'est vraiment une chanteuse de piano-bar et de cabaret. Mais nous lui avons appris à danser et à faire des acrobaties. Et elle nous a appris à chanter. Ensuite, vous avez Julien qui est un équilibriste de renommée internationale qui n'avait jamais fait de danse. Donc, en échange de nous avoir appris quelques équilibres, nous lui avons appris à danser. Nathalie Barol, c'est notre comédienne, qui est un peu un nom sur Toulouse. Elle nous a appris la comédie. En échange, on lui a appris à danser et faire les acrobaties. Elodie et moi-même, qui sont propriétaires du cabaret, nous, notre formation, c'est danseur classique et caractère russe. Mais il y a quelques années, on a fait également des portées. On a travaillé avec un professeur particulier pour faire des portées de cirque. Et on a allié les portées de cirque et les portées de danse, mais également de l'aérien. Donc ça, c'est pour la troupe. Et l'essence même du cabaret, c'est Stéphane Lafage, qui est notre chorégraphe et à l'origine de notre programmation. Nous ne sommes que des interprètes. Lui, c'est vraiment le chorégraphe et il crée les spectacles non-stop. Constamment en création, et ça va aussi bien ça peut être du cabaret très, très berlinois à du tissu aérien, du trapèze, de l'effeuillage, des portées de cirque, du contemporain, du visuel avec des masques. Enfin, c'est vraiment, vraiment très large. D'accord. Et pour le coup, alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de spectacle pour enfants, ça va être quel type de spectacle pour les enfants? Alors, chaque année, nous en créons un différent. D'accord. Donc, c'est le même principe que les spectacles pour adultes, sauf qu'on enlève tout ce qui est un petit peu dérangeant et un peu coquin. Mais les thèmes abordés, ça va être... une année, on a fait le voyage du Kintaro. C'était un conte japonais. Ensuite, on a fait le Petrushka. Donc, Petrushka, c'est un conte russe d'une marionnette animée. Cette année, c'était un tour du monde. C'est très large dans nos spectacles pour enfants. Beaucoup de visuels, beaucoup de masques, mais on y retrouve de la danse, du cirque, de la chanson. Avec en particularité, c'est que nos numéros ne durent pas plus de 2 minutes, ce qui fait que même les enfants en bas âge ne décrochent jamais de nos spectacles. Parce que même s'il y a un numéro qui ne leur plaît pas vraiment, ils n'ont pas le temps de décrocher puisqu'on passe de suite à un autre. Ça me fait penser à un magicien qui disait qu'il fallait pas qu'un numéro dure, qu'un effet magique dure plus d'une minute et qu'il fallait en enchaîner plusieurs. Voilà, ouais, ben je crois que c'est la clé. Et ça marche également pour les adultes. Hein. Enfin, notre spectacle du vendredi et samedi avec Métamorphe 4 est très varié, mais peut-être le spectacle ne fait peut-être pas l'unanimité sur les clients, mais il se retrouve toujours dans un de nos tableaux, quelque chose qui sort du lot. Et pour le coup, est-ce que vous accueillez aussi des compagnies extérieures qui font des créations extérieures Kalinka qui ne font pas partie de votre troupe? Oui, oui, oui, complètement. Ça représente environ entre 5 à 10 troupes par an qui viennent. Et ça peut être à la fois chanté, à la fois dansé, c'est très large. On a les compagnies du BCB de Bordeaux qui vient louer le cabaret pour faire des spectacles, des troupes de théâtre. On est vraiment ouvert. On a un lieu de spectacle. Nous on l'exploite énormément tous les jeudis, vendredis, samedis. Ce qui fait que le lundi, le mardi, le mercredi, il est disponible. Donc là, on est vraiment ouvert à n'importe quelle troupe, à des cours de théâtre, à des formations. Enfin, le but, c'est de faire vivre le lieu. On n'a pas d'étiquette spéciale. J'ai le souvenir, moi, en effet, d'un très très bon spectacle que j'avais vu, qui est la revue du piano à Franges, que j'avais vu en septembre ou octobre, je ne sais plus oui, exactement. Oui, c'est ça, en septembre. Ils sont passés 2 fois chez nous. C'était venu, oui. Très joli spectacle à voir, si vous en avez l'occasion. Et puis, bah, vous nous avez parlé d'un spectacle qui se joue donc les jeudis et vendredis. Métamorphe. Alors, Métamorphe, c'est voilà. Le spectacle en cabaret, en repas spectacle. Lui, c'est le vendredi et le samedi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce spectacle? Bien sûr. Donc, alors, ce spectacle, disons que c'est un ensemble. La soirée débute à partir du moment où les gens passent la porte. Donc, au moment de l'apéritif, on intervient au niveau du spectacle tout au long du repas entre les plats. Et donc, ça va commencer avec un tableau très très cabaret berlinois. Ensuite, ça va passer à un autre tableau en lumière noire où il y a du tissu aérien, beaucoup de masques. Ensuite, Marion va faire son solo, donc qui est une succession de personnages en chanson avec changement de costume rapide. C'est une des spécificités du cabaret, on change de costume en 2-3 secondes, ça tout au long des tableaux. Ensuite, nous avons des numéros engagés avec de la sangle aérienne, avec Elodie très femme pin-up, mais bon, enfin pour finir, elle finit en cage. Ensuite, nous avons un tableau de reprise improbable. Donc, si certaines connaissent la pompe moderne, ça peut être un bon début pour voir ce que cela peut être. Mais nos spectacles, Métamorphe 4, sont à la fois dansé, chanté, acrobatique, visuel, toujours rythmé par la rapidité des changements de costume. Et très large du fait que les acteurs sont et chanteurs, et comédiens, et danseurs, et acrobates, et se mélangent tous. Alors ça me fait penser ce que vous dites, parce que moi-même je suis magicien, je vous entends parler de changement de costume. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler en magie le quick change? Oui, c'est carrément ça. Ouais, oui, puisqu'on est habillé, on est en costume pour un numéro, et dans ce même numéro, on passe derrière un paravent et on ressort en 2-3 secondes avec un costume totalement différent. D'accord. Et tout au début, vous nous aviez parlé également de l'esprit cabaret berlinois. Qu'est-ce que ça signifie, on va dire, cabaret berlinois? C'est l'opposé du cabaret plume paillette, du cabaret à la française. C'est un cabaret qui a vu ses jours pendant la guerre, où il y a un côté assez assez étrange. Les maquillages ne sont pas spécialement beaux, les tenues sont un peu aguicheuses. C'est étrange. Il y a pas, ce n'est pas plume strass et paillettes. Ça va être plutôt marinière, les shorties, les bas. D'accord. Il y a un côté un peu sombre, rigolo, décalé. Il n'y a pas de langue de bois. On rit de tout. Combien est-ce qu'il y a à peu près de places dans cette salle? Alors, il y a 90 places en table et chaises. 90 couverts en table individuelle. Donc c'est ça, où finalement les gens peuvent manger en même temps, voilà, c'est ça. Tout en regardant le spectacle. Tout en regardant le spectacle. Bon, le cabaret se compose, pour le vendredi et samedi, c'est important de faire la différence. Donc c'est des repas spectacles qui, on propose trois formules avec l'entrée pour le choix, pardon, pour les entrées, plats et desserts. Et à chaque fois, les formules comprennent repas spectacle, soirée dansante. Donc vous en avez une à 45 euros, une à 52 euros et une à 60 euros. La seule différence, c'est le contenu du menu. Et ce qui est intéressant, au Kalinka, c'est les soirées du jeudi qui sont, elles, des apéros spectacles. Donc il y a une billetterie à l'entrée, les gens s'acquittent du billet d'entrée. Une fois dans la salle, là ils peuvent consommer des boissons, choisir des assiettes salées ou sucrées ou bien des desserts à moindre coût, ce qui fait qu'on peut boire, manger et voir un spectacle au Kalinka pour 20 à 25 euros. Ça, finalement, on retrouve ici une ambiance qui a presque quasiment disparu en France, cette ambiance cabaret que l'on retrouve pas forcément. Ben, c'est ce qu'on voulait parce que à force d'avoir tourné dans beaucoup de cabarets, c'est quelque chose qui n'est pas très abordable, qui en général est quelque chose de cher, et le cabaret c'est vraiment un bon compromis sur une sortie, si on veut restaurant, spectacle et soirée dansante. Mm-hmm. Ben, l'avantage d'aller au cabaret, c'est que ça diminuera le coût et ça permet de voir tout ça d'un coup. Ensuite, l'esprit cabaret, c'est très bien parce que c'est du spectacle en direct. Ça change un petit peu. On est habitué maintenant à une haute technologie, à voir tout derrière nos écrans, et de le voir en vrai, c'est autre chose. En plus, notre cabaret est un petit cabaret puisqu'on est le plus petit cabaret de Toulouse, ce qui fait que c'est pour ça que nous avons envie, nous les artistes, de s'occuper de la salle entièrement, et ça donne un bon état d'esprit. Les gens aiment notre lieu parce qu'ils sont coupés du temps. Enfin, notre devanture n'est pas la plus accueillante, mais une fois qu'on a passé la porte, les gens sont toujours surpris. Oui, c'est ça. C'est vrai que dès qu'on rentre, on a l'impression de remonter dans le temps un petit peu, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Oh, oui. Ben, on est un peu hors temps. En plus, la déco change constamment. Elle change à peu près toutes les 3 semaines puisque nous accueillons des expositions des artistes, beaucoup des photographes et des peintres principalement, parce que vos sculptures n'ont pas trop de place. Et donc là, les mercredis, toutes les 3 à 4 semaines, on fait le vernissage. Et ce qui est bien, c'est que les gens qui sont qui sont plutôt du côté artistique, tout ça, ne seraient pas forcément venus en cabaret, puisque le cabaret a une connotation commerciale ou populaire. Enfin, et populaire, souvent, c'est presque une insulte. Moi, j'adore qu'on dise de nous qu'on est populaire, parce que je trouve ça top, ça touche tout le monde. Et donc, du coup, on touche une clientèle qui vient voir ces expositions, qui ne connaissent pas le lieu, qui sont interrogées par... intrigués par le cabaret et viennent assister à nos soirées. Ce qui fait qu'on a, sur une même rangée, le week-end dernier, j'avais en début de rangée une famille, papa, maman et les 4 enfants, derrière un couple de punks, et juste après, un couple de banquiers. J'ai dit, c'est bon, génial. Il n'y a pas d'étiquette chez nous, enfin on est très large. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement des expositions que l'on pourra voir ici au mois de février? Alors, au niveau des expositions, actuellement jusqu'au 21 février, on a l'exposition Subséquent Prophétie de Chimère. Donc là, c'est de la photo, mais c'est un présage sur un futur incertain. C'est à la fois prise photo en numérique et traitement par ordinateur, et c'est vraiment un monde à lui. Ensuite, à partir du 22 février et jusqu'au 18 avril, Donc là, ce sera l'exposition, pourquoi pas, de Nel des Ingueuses. Donc là, c'est une personne libérée, anticonformiste. Elle est très large. Elle travaille aussi bien sur les masques. Elle fabrique des poupées. Elle fait de la photo et de la peinture. C'est un univers. D'accord. C'est une artiste à part entière. Après, on a une autre exposition qui suivra. Bon, ce sera après le mois d'avril, qui est l'exposition Morceaux de Mal. Ça, c'est une exposition rigolote. C'est une exposition éphémère. Mmh. Là, ce sont que des modèles masculins qui sont très actuels puisqu'il y a, c'est un peu en ce moment la mode du nu frontal pour les hommes, ce qui libère un petit peu les femmes d'ailleurs. Et ce qu'il y a de chouette dans cette expo, c'est qu'il y a tout corps, tout physique, tout homme. On a parlé des expositions, est-ce qu'on peut parler également des spectacles qui sont pas forcément récurrents dans la programmation et qui vont venir? Donc, à venir pour le week-end prochain, ça va être un spectacle Belle Époque. Donc ça, c'est une association de trois troupes différentes, dont la nôtre, où là, c'est le belly dance traditionnel et le tribal fusion, qui est du belly dance plus alternatif, plus actuel. Et la troupe du Kalinka pour la partie cabaret. Chaque année, on organise trois soirées différentes avec des thèmes différents. Et là, à venir, c'est la Belle Époque. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il y a à venir. Après, ce que l'on a aussi d'intéressant, c'est les conférences. On est partenaire de l'association du Cri de la Chatte. D'accord. Une association féministe. Et donc, à chaque fois, c'est des débats. Le mercredi, c'est des débats dînatoires. À la fin du débat, les gens peuvent continuer à débattre autour d'un verre, autour d'un buffet qui est offert par l'association. C'est sur inscription. Et ça, c'est très large au niveau des thèmes. Ça va être aussi bien le trouble, le sexisme, comment appeler un chat, toujours lié à la sexualité. Et cette même association organise des soirées au Kalinka. Donc, il y en a quatre dans l'année qui sont des soirées pour se faire du bien. Bon, là, on réunit un peu une faune toulousaine à la fois de DJ, d'artistes. Donc, ça va être des projections, des spectacles engagés avec des performeuses ou performeurs qui ont toujours un message à délivrer. D'accord. Donc, après, au niveau du message, on s'en fout un peu dans le sens où il faut qu'il soit large. On a tous quelque chose à dire. Mais l'important, c'est que ce soit fait avec le cœur et d'une façon artistique. Que va-t-il se passer du côté du Kalinka dans les semaines et les mois qui viennent? Bien que nous l'ayons déjà évoqué avec Johan Lafage, je tenais à vous faire une présentation plus globale comme je le fais d'habitude. Les vendredis et samedis 17, 18, 24 et 25 février, mais également 3, 4, 24, 25 et 31 mars à 20h30, vous pouvez retrouver le spectacle annuel de la troupe du Kalinka Métamorphe 4, un joli mélange de numéros visuels, d'acrobatie et de numéros aériens. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du Kalinka ou sur la page du spectacle Métamorphe 4 où vous pourrez voir une vidéo de présentation plus qu'intrigante. Le 22 mars 2017 à 18h30, l'équipe du Kalinka vous convie au vernissage de l'exposition Pourquoi pas de l'illustratrice et artiste plasticienne Nel. Cette exposition sera visible au Kalinka jusqu'au 18 avril. Le 23 février à 20h, l'équipe du Kalinka sera accompagnée par d'autres artistes pour une soirée gorlesque, tel est le titre du spectacle. Comme pour Métamorphe 4, vous pouvez voir une vidéo de présentation sur le site du Kalinka. Je me permets tout de même de vous préciser que ce spectacle est réservé à un public averti. Le 26 février à 16h, un événement intitulé Loto Bingo, qui sera un véritable loto, accompagné de quelques surprises, avec notamment une maîtresse de cérémonie farfelue et des assistants maladroits. Les 1er mars, 29 mars et 12 avril à 20h auront lieu les soirées conférences-apéro organisées par l'association féministe Le Cri de la Chatte. Le 2 mars à 20h, Bruno Confino et Gabriel Compan nous proposeront le karaoké acoustique. Le principe est simple, deux musiciens en live et le public qui chante en chœur le répertoire varié de la chanson française de 1900 à nos jours. Du 9 au 11 mars à 20h se déroulera le 4e festival du burlesque de Toulouse, organisé depuis plusieurs années au Kalinka, où seront réunis de nombreux artistes sous la houlette de Lady Flore. les 16, 17 et 18 mars à 20h. La troupe du Kalinka vous proposera sa nouvelle pièce, Mortel Défilé, une pièce policière dans l'esprit du Grand Guignol sur le monde particulier de la mode. Le 23 mars à 20h, dans le cadre des Jeudis du Kalinka, nous pourrons voir le spectacle Best of Burlesque Band, pour le meilleur et pour le pire, comme cela est indiqué sur la présentation du spectacle. Le 30 mars à 20h, mais également le 1er juin, toujours à 20h, la troupe du Kalinka vous propose une soirée kitsch. Au rendez-vous, plus de 200 costumes, du rire, des invités, du décalé et bien entendu du kitsch. Comme pour les autres créations de la troupe du Kalinka, une vidéo est disponible sur leur site internet. Pour plus d'informations ou pour découvrir le reste de la saison, voire même pour réserver, rendez-vous sur le site internet du Kalinka, www.lekalinka.com. Aujourd'hui, pour la chronique littéraire, je vais vous présenter Acting, une pièce contemporaine écrite par Xavier Duringer et qui est publiée aux éditions théâtrales. L'auteur Xavier Duringer est connu pour le film La Conquête, qu'il a réalisé en 2011, et c'est ce film qui, avec Denis Podalydès, qui parlait de l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Pour revenir sur Acting, cette pièce a pour sujet central le théâtre, et comment est-ce que l'on devient acteur, mais dans un cadre peu conventionnel, une prison. La pièce commence avec deux personnages, Geppetto, qui est incarcéré pour escroquerie, et Horace, dont on ne sait pas grand-chose à part qu'il est muet. Ils attendent l'arrivée d'un nouvel arrivant dans leur cellule. Cet inconnu est Robert, qui est acteur et metteur en scène, et qui apprendra à Geppetto le métier d'acteur. Cette pièce nous interroge à la fois sur le milieu pénitentiaire français, mais également sur la difficulté d'être acteur. Pour vous donner envie de lire, de jouer et de voir cette pièce, je vais vous lire la quatrième de couverture qui résumera sans doute mieux que je n'ai pu le faire. Dans une cellule de prison, Robert, acteur et metteur en scène, condamné pour meurtre, rejoint Geppetto, un petit escroc, et Horace, son mystérieux co-détenu, muet et insomniaque. Les liens se nouent entre Robert et Geppetto, autour du métier d'acteur. Mais les deux détenus ne lui donnent pas la même définition. Geppetto ne pense qu'au star system. Robert, lui, invoque Shakespeare, Stanislavski et l'art d'être acteur. Pourtant, ce dernier va enseigner la comédie au premier. Dans cette cellule qui se transforme peu à peu en scène de théâtre, le maître pousse l'élève dans ses ultimes retranchements, au cœur des secrets du métier, et tente ce pari fou, faire de lui le plus grand acteur du monde. Avec sa langue toujours percutante, canaille, populaire, scabreuse, Duringer revient au texte par une mise en abîme de cet art qui ne finit pas de fasciner, le théâtre. Maintenant, je vais vous lire également la toute première scène de cette pièce, cette scène où Geppetto et Horace attendent ce nouvel inconnu qui va les rejoindre dans la cellule. Cette scène, je la trouve absolument géniale parce qu'elle résume assez bien la tension qu'il peut y avoir lorsque l'on attend un inconnu, pas savoir qui il est, comment est-ce qu'il peut réagir. Je me permets de vous préciser que cette pièce que j'aime énormément, j'ai eu la chance de jouer dedans lorsque j'étais à Bordeaux au Théâtre en Miettes. Donc voici sa toute première scène et c'est Geppetto qui parle. Ne t'inquiète pas comme ça, Horace. Il n'y a qu'une chance sur deux que ce soit un toxico. Une chance sur trois que ce soit un tueur. Une chance sur quatre que ce soit un braqueur. Une chance sur deux qu'il soit dangereux. Une chance sur cinq qu'il soit là pour crime passionnel ou que ce soit un serial killer. Une chance sur trois que ce soit un violeur. Et une chance sur quatre qu'il soit attiré par ton petit cul. Par contre, 3 chances sur 4 qu'il ronfle, qu'il pue, qu'il soit malade et qu'il fasse des crises, qu'il soit insomniaque et pervers. Et 1 chance sur 2 pour qu'il n'aime pas ta bouffe et qu'il soit alcoolique ou qu'il n'arrête pas de fumer du shit. Mais par contre, si tu veux le fond de ma pensée, il n'y a qu'une chance sur 10 qu'il soit un petit peu tout ça à la fois. Pour finir aujourd'hui, je vais vous présenter un spectacle qui a particulièrement attiré mon attention. Et il s'agit du spectacle « À table » de la compagnie toulousaine Anomalique qui sera joué du 22 au 25 février à 20h30 à la Cave Poésie à Toulouse. Ce spectacle conçu et interprété par Alix Soulier nous raconte un voyage effectué par une femme française libre et indépendante qui part rencontrer d'autres femmes du monde entier. Mais pourquoi donc « À table » pour titre ? Tout simplement car le seul élément qui est transporté durant tout le voyage est une table et tout se déroule autour de celle-ci. Ce spectacle a l'air très intéressant et il réunit une très grande équipe pour sa création, à savoir Claire Egan sur le travail du corps et du geste, qui est co-directrice du théâtre du mouvement, Javier Swetsky sur le théâtre d'objets, Céline Lautier pour la direction d'acteurs, qui a également participé à la création de la revue du piano à franges, que l'on a pu voir au Kalinka en début de saison, Marion Rajewski pour la dramaturgie et la direction d'acteurs, mais également Didier Ponce pour la coordination de l'écriture, sans oublier l'équipe technique, Jean-Étienne Soulier, Pierre-François Renouf, Manu Guibert et Michael Théodore. J'en oublie sans doute certains, veuillez m'en excuser par avance. Donc un spectacle qui m'a l'air très intéressant, à voir à tout prix à la Cave Poésie de Toulouse du 22 au 25 février à 20h30. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la Cave Poésie, www.cave-poésie.com. En piste, les artistes, c'est fini pour aujourd'hui, mais tiens, quelque chose d'un petit peu particulier, comment se fait-il qu'aujourd'hui nous n'entendions pas la petite musique de début et de fin ? Tout simplement parce que j'ai eu une petite idée, j'ai demandé à l'invité que j'ai chaque semaine de choisir la chanson de fin, et c'est pourquoi aujourd'hui Johan Lafage nous a désigné la chanson à peine de Barbara. Je souhaite bien entendu remercier Johan Lafage et l'ensemble de l'équipe de Radio Montmirail, et vous-même qui écoutez cette émission. N'hésitez pas à me contacter par email emmanuel.fitou@gmail.com si vous avez des suggestions de modification de l'émission ou tout simplement pour me donner votre avis. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse en compagnie de Barbara. À peine le jour s'est levé, à peine la nuit va s'achever, que déjà ta main s'est glissée légère, légère. À peine sorti du sommeil, à peine tu t'éveilles, que déjà tu cherches ma main, que déjà tu frôles mes reins. L'aube blafarde par la fenêtre, l'aube blafarde va disparaître. C'est beau, regarde par la fenêtre. Regarde le jour paraître. À chaque jour recommencer, à se vouloir, à se gagner, à se perdre, à se déchirer, à se battre, à se crucifier. Passer les vents et les marées, mille fois perdu déchiré, mille fois perdu retrouvé, nous restons là émerveillés. Ton aide docile, ta difficile, et puis docile, ta si fragile. Je suis la vague où tu te noies, et je m'enroule au creux de toi. À peine le temps s'est posé, printemps, hiver, automne, été, tu t'en souviens, c'était hier, printemps, automne, été, hiver. À peine tu m'avais entrevu, et déjà tu m'avais reconnu, à peine tu m'avais souri, que déjà je t'avais choisi. Mon indocile, mon difficile, et puis docile, mon si fragile. Tu es la vague où je me noie, tu es ma force, tu es ma loi. Dans la chambre s'éclisse l'ombre, je t'aperçois dans la pénombre. Tu me regardes, tu me guettes, tu n'écoutais pas, je m'arrête. Au loin une porte qui claque, il pleut, j'aime le bruit des flaques. Ailleurs le monde vit, ailleurs, mais nous nous vivons là mon cœur. Je m'enroule au creux de toi. Et tu t'enroules au creux de moi. Le temps passe vite à s'aimer, à peine l'avons-nous vu passer, que déjà la nuit s'est glissée légère, légère. Ta bouche à mon cou, tu me mords. Il fait nuit noire au dehors. Ta bouche à mon cou, je m'endors. Dans le sommeil, je t'aime encore. À peine je suis endormie, que déjà tu t'endors aussi. Ton corps à mon corps s'est fait lourd. Bonsoir, bonne nuit, mon amour.